J'ai qu'un mic pour m'emballer, pour rapper, j'ai pas la classe à salif. T'agis pas, tu fais que parler, balai, tu gâches ta salive. Hey. J'en ai marre d'entendre les gens parler de leurs problèmes. Prends un stylo déclenche, j'préfère que tu nous sortes un gros thème. J'suis pas un psy, si t'es un frère pour un bordel, j't'ai saut. Envers le bien, j't'incite, mais j'éponge pas les problèmes des autres. Tes envies de mort me touchent, et ta falaise me peine. Mais j'en viendrai pas à me couper les veines s'il fallait, j'me plaigne. Et tu crois quoi de principe et de vertu, j'm'affame. Ma gosse est matise et c'est ainsi depuis que j'ai perdu ma femme. J'regrette le temps où barter, j'tapais sur des cymbales. J't'assure, on bouffe à deux, même si du moins il me reste que 5 balles. Oui, moi aussi, j'paf sur la gova d'un bourge calé, j'empeins. Mais vas-y ferme ta bouche, j'en ai marre d'entendre les gens se plaindre. En vrai t'es plein de bon sens, tu parles beaucoup mais t'agis pas. C'est pas un clash, le reste m'en fout du moment que le message y passe.